Et pourtant, c'était un temps d'amitié et de camaraderie que nous ne devions plus jamais retrouver. La modernité nous a rendus égoïstes et indifférents. Si c'était le prix à payer, il fut salé. Aller au travail nous procurait un réel plaisir, la satisfaction de retrouver une sorte de famille, un monde étonnant, mais simple et authentique, celui des roulants, peut-être déjà un peu désuet pour certains, à l'époque où on nous annonçait le bel oiseau blanc qu'on appela le Concorde. Du voyage à Castelnaudary, il me restera le goût d'un bon cassoulet, mais surtout une autre vision de ces années démodées. Des images et des visages que j'avais cru à jamais oublier, et puis peut-être des regrets de n'avoir pas immortalisé ces jours envolés. En ce temps-là, filmer ou photographier n'était pas encore à la mode, et nous n'y pensions même pas. C'était la vie de tous les jours. Pourquoi se figer sur des clichés jaunis? Peut-être étions-nous déjà résignés sans le savoir, à nous laisser emporter par le progrès. Que sont devenus nos amis, témoins privilégiés de ces tranches de vie? Dans quel lointain pays ont atterri nos vieilles mikados qui ont échappé aux chalumeaux géants des bourreaux noirs de suie? Aujourd'hui, nous pourrions vous raconter des tas d'histoires, vous en raconter à n'en plus finir. Mais vous n'avez plus le temps d'écouter les vieux compagnons vous dire ce qu'il y a eu avant le TGV. Vous êtes bien trop pressés. Les mécaniciens aimaient leur vie laborieuse et harassante, mais malgré tout agréable et passionnante. Les temps ont changé. Pourtant, les hommes du rail demeurent attachés au métier, fiers, libres, responsables et secrets.